Eh bien, bonjour et bienvenue à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec Lalonde des ondes, Marc Lalonde au micro. Toujours un plaisir, comme ça, ben oui, à chaque semaine, d'être là, de vous offrir de l'information sur la francophonie musicale canadienne et de vous faire entendre l'excellente musique. Cette semaine, j'ai du Simon Daniel, du Jean-Marc Couture, Danny Boudreau, l'album de la semaine, un album instrumental, Eternal Cycle de Gentiane MG Trio. Vraiment très intéressant. On va entendre également du Edouard Landry, du Michel Russell, j'ai du Sean Ferguson, Louis Trudel en instrumental, et côté de l'Ouest canadien, Rihanna, Ariane, Marie Plemire, Alpha Toshineza et bien d'autres. Donc restez là, je vous reviens dans quelques secondes, bien entendu, avec le bloc des Maritimes à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Salutations à tous les auditeurs à travers ce beau grand pays, ici Lalonde des ondes, très content d'être là. Et comme à l'habitude, je fais pas ça tout seul, cette émission-là. Je tiens à remercier des gens très très spéciaux qui m'aident comme ça à rentrer chez vous et à vous offrir de l'excellente musique franco-canadienne. Merci à Vanessa Lisabelle de l'Arc du Canada, merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs, directrices de programmation des stations suivantes, CKJM chez Tican. Oui, FM 98 Halifax, CFAB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse. Il y a CKMA Miramichi, Nouveau-Brunswick, CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa, et CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe de la région de Barrie en Ontario. En vol 91, Saint-Boniface, Manitoba, CFRG, Gravelbourg, Saskatchewan, CILS, Victoria, Colombie-Britannique et CIVR, Yellowknife, Territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup de diffuser l'émission. Commentaires, suggestions, même contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental. Ça tourne chez vous, ça tourne nulle part ailleurs, même pas à Canrock. Laissez-moi leurs coordonnées à canrockcdn@gmail.com. Eh bien, voilà, allons-y avec le bloc des Maritimes, si vous voulez bien. On va y aller principalement en vous disant que je vous invite sur ma page Facebook de Canrock. Beaucoup d'informations, des petits clips de temps en temps, dont la prestation live de Simon Daniel qui nous propose un nouvel album au mois d'octobre, début octobre. On va entendre Nightcrawler dans quelques instants. Par la suite, on va entendre Tommy Bulger, avec sa chanson Road Trip, et en 10e position du palmarès de l'Arcan cette semaine. Et qui est-ce qui est en première position? C'est Jean-Marc Couture avec son nouvel extrait « Il faut que je bouge » de son album Cabanon. Donc ça s'en vient également. Mais on commence ça avec Simon Daniel, nouveauté Nightcrawler. Strip them all, tell me. père en fils, mais sans toi, j'existerais pas. Tu m'as donné tout ce que t'avais, le temps de nuit, moi j'aimerais t'offrir la chance de tout lâcher, un avant-goût de liberté. Monsieur Jean-Marc Couture de son album Dans mon cabanon, il faut que je bouge, numéro 1 cette semaine sur le palmarès de l'Arcan. Et le palmarès de l'Arcan, il y a toujours le palmarès pop ou rock, si vous voulez, et aussi le palmarès country. Qu'est-ce qu'on retrouve du côté country en première position? C'est notre ami Danny Boudreau, pièce titre de son album Mon été, hommage aux auteurs, aux poètes acadiens d'eux. Et Mon été, c'est une reprise d'une chanson de Fayot, Mario Leblanc, qui a sorti ça il y a plusieurs années. Donc, Danny Boudreau en fait une belle version. On va entendre aussi la nouveauté de Daniel Légère qui devrait nous envoyer un album là, très très bientôt. L'album Grounded, c'est son nouvel album. Et sur cet album-là, le premier extrait, c'est Bûche Bûche. On va entendre ça dans quelques instants. Bûche Bûche qui se retrouve en position numéro 4 du palmarès country de l'Arcan. Et en position numéro 6, c'est Claude Cormier, Whisky Whisky. Lui aussi devrait nous envoyer un album très très bientôt. On a hâte de recevoir ça et vous faire entendre ça avec grand plaisir. Donc ça s'en vient. Et pour terminer ce petit bloc country folk, bien pourquoi pas y aller avec tout simplement 25 cents de Hurt LeBlanc, tiré de son album Live au Pays de la Sagouine. Très bon album avec plusieurs bonnes chansons, plusieurs bons classiques de Hurt LeBlanc. Donc 25 cents, ça s'en vient. Mais là, on y va avec Danny Boudreau. Voici Mon été à Canrock. Naviguer avec une bière dans la main, le feu pas loin. Je ne veux plus monter. J'aurais pu dans le sable, les pieds dans l'eau. J'serai en train de regarder.

Chance que j'ai la bedaine pleine, tout ce qui me laisse est belle, c'est celle. La banque dit j'ai trop d'argent, faut que je les paye, j'ai pas comment. Ils ont pris ma maison, ils ont pris ma chienne, tout ce qui me laisse est 25 cents. 25 cents, 25 cents, tout ce qui me laisse est 25 cents. Chance que j'ai la bedaine pleine, tout ce qui me laisse est 25 cents. Toutes les taxes qui m'ont monté, j'ai acheté ma grotte pour la semaine. Tout ce qui me reste, c'est 25 cents. 25 cents, 25 cents. Tout ce qui me reste, c'est 25 cents. Chance que j'ai la bedaine pleine. Tout ce qui me reste, c'est 25 cents. Au magasin, je suis allé m'acheter une gomme pour la mocher. L'homme m'a dit c'est 24 cents. Tout ce qui me reste, c'est rien qu'un cent. Rien qu'un cent, rien qu'un cent. Tout ce qui me reste, c'est rien qu'un cent. Hâte la semaine prochaine pour avoir ma paye avec 25 cents. 25 cents, 25 cents. Tout ce qui me reste, c'est 25 cents. Chance que j'ai la bedaine pleine. Tout ce qui me reste, c'est 25 cents. Chance que j'ai.